Boa tarde, são 6 horas no continente e na Madeira, são 5 nos Açores. On the Rocks, c'est une émission vraiment pour le peuple. On the Rocks, même à l'envers, On the Rocks, on peut la faire. Rock, pop, folk, radio show depuis 1992. www.onzerocks.net. Ouais! Quelqu'un mettre tout à fond, qu'est-ce que vous faites chier à laisser vos merdes? Qu'est-ce que tu crois que ça va être? Tout à fond! Le rock, c'est tout à fond! On the rocks. Rock and roll. Oh, j'ai eu de pêche, les gars. Woo! Mais vous vous dites, ce générique, il est bien, ça me rappelle une émission qui passait autrefois, jadis, sur Radio Arc-en-Ciel, qui s'appelait On the Rocks. Alors, c'était pas jadis, hein, c'est vrai que là, il y a quand même eu des petits trous dans le gruyère dans On the Rocks. C'est la dernière de la saison, en plus, mais alors ce soir, pour la dernière de la saison et avant la reprise en septembre pour la 31e année, oui, messieurs, dames, 31e année, eh bien, ce soir, ça va être un feu d'artifice, puisque ça va être une spéciale battle. Et cette battle, figurez-vous que le monsieur qui est en face de moi me la réclame depuis environ bien plus 10 ans. Et donc, bah, ça va être ce soir. Enfin, cette fameuse battle qui va s'appeler homonyme ou presque. Ouais. Bonsoir Sylvain Trémoux. Salut Manu. Ça va bien? Ouais. Oui. Tu as l'air en forme. Tu as l'air frais comme un gardon. Je suis dans le. C'est dans le move. Dans le move. Il y a un truc. Voilà. Voilà. Alors, qu'est-ce que c'est que ce concept d'émission homonyme ou presque? Je ne comprends pas. Explique aux auditeurs. Mais c'est pas compliqué. Non, c'est pas compliqué. On trouve des noms de groupes ou de chansons qui sont les mêmes ou presque les mêmes. Que d'autres chansons ou d'autres groupes très connus. Exactement, et il y a des sacrées surprises. On va le voir ce soir. Ouais. On va commencer par exemple, on va donner un exemple pour que les auditeurs comprennent bien. Ouais. Par exemple, Jack Lee. Oui. Jack Lee, alors Jack Lee, ça peut être plein de trucs. Alors Jack Lee, ça a été un réalisateur anglais qui a réalisé un film qui s'appelait « À main armée ». En 1957. Toi, t'as fait des recherches, toi. Hein. Moi, j'ai un petit peu bossé, mon petit coco, parce que depuis 10 ans que tu me la réclames. Ça a été un scénariste américain également, Jack Lee. Ça a été un joueur de foot anglais, première partie du 20e siècle aussi. C'est également le pseudo de l'écrivain Blaise Cendrars. Et oui, son pseudo, c'était Jack Lee. Et puis Jack Lee, bah, ça a été tout ça, mais ça a été aussi un chanteur de rock, musicien, que tu aimes, que j'aime, et que nous aimions, puisqu'il est mort. Il est mort cette semaine. Ah bah, je te l'apprends peut-être un peu brutalement. On m'a pas prévenu. La famille n'a pas eu la décence de m'appeler. Je te l'apprends un peu brutalement. Alors voilà, d'accord. C'est un peu le concept ce soir. C'est pas les chanteurs morts qu'on ne savait pas. Jack Lee a créé un trio, power trio, au début, à la 1976. Oui, c'est plutôt fin des années 70, qui s'appelait The Nerves. J'en parlerai des Nerves tout à l'heure. Et donc, ils étaient trois. Jack Lee, qui était le leader quand même un petit peu de ce trio, il jouait de la guitare, il chantait. Il y avait Peter Case qui chantait aussi. Et qui jouait de la basse, il me semble bien, chez les Nerves. Et il y avait le batteur qui s'appelait Paul Collins. Et bien, après la séparation des Nerves, Jack Lee est le seul qui n'a pas eu tellement de succès, alors qu'on misait tout sur lui. Il a quand même fait un morceau qui s'appelait Come Back and Stay, qui a été repris par Paul Young dans les années 80. Alors Paul Young, années 80, hein, Paul Young. Mais homonyme de Neil Young, quasiment. Ouais. Il rentre aussi dans le truc. Et puis on attendait le retour de Jack Lee depuis des décennies et des décennies. Eh bien, il vient de casser sa pipe la semaine dernière, il y a quelques jours. Donc on ne le reverra pas. Il a fait deux albums solo plutôt sympathiques dans les années 80, et puis plus rien. Et bien voilà, donc on va se passer le morceau peut-être le plus célèbre qu'il a composé, puisqu'il a été popularisé par Blondie, c'est Hanging on the Telephone des Nerves. Voici Jack Lee, donc une petite larmichette quand même, Jack Lee, quand même des grands oubliés du rock'n'roll, quoi. Ouais, parmi d'autres. C'est parti, ça s'appelle donc The Nerves avec Jack Lee, qui a plein d'autres Jack Lee, mais c'est celui qui nous intéresse ce soir, et c'est homonyme ou presque dans The Rocks. I'm in the phone booth, there's a 1 o'clock call. If you don't answer, I'll just ring it on the wall. pas de mauvais morceaux sur le dernier album des Soco Fever, mais il y en a aussi des très très bons. Et celui-là, alors là, c'est franchement, c'est le top du top. Vous l'avez joué à Blois, au Château d'Eau? Oui. Oui. On le joue partout où on joue depuis quelques années maintenant. Et alors, et sur scène, satisfaisant celui-là? Ouais, c'est pas le plus simple à jouer. Enfin, c'est pas une chanson très compliquée, mais les chœurs sont assez haut perchés. Voilà. Ce qui est nouveau pour nous, c'est que avec le disque et avec le clip qui va avec, on voit ou on devine dans l'attitude de certaines personnes qui connaissent ceux la chanson. Qui connaissent. En fait. Ça, ouais. Ça fait du bien, ça. Ouais. Et avec un petit plaisir de se dire, enfin, tu devines chez les gens. Ah ouais, c'est la chanson, c'est celle-ci, c'est celle-ci. C'est marrant. Ah, ça fait du bien. Ouais. Donc, parce que le monsieur qui est en train de parler dans le micro en face de moi s'appelle Sylvain Trémaux. Il est guitariste, compositeur, qui fait les chœurs au perché. Des Soco Fever, qui ont quelques concerts à venir. Oui, et ben bientôt à Orléans, d'ailleurs, le 21 juillet. J'ai oublié le nom, Wal Châtelet. Le Ponton? Non, l'ancien Red de Louis Deval. Alors, je ne sais pas le nouveau nom. C'est pas bien, on n'est pas bien là. C'est ballot, hein. C'est ballot. C'est pire pour toi, pour moi. Mais on joue donc le 21 avec un mec qui vient d'Australie et un groupe qui vient de Limoges. D'accord. J'ai pas les noms en tête là, faut aller voir l'ancien. Alors, je sais que c'est le 21, faut aller voir sur Facebook, Soco Fever, il y a l'annonce plus précise avec tous les noms, tout bien. Bon, si vous n'avez jamais vu les Soco Fever sur scène, allez-y, courez-y, et puis l'album qui est New Phase. Et puis les clips, les vidéos et tout, on a des vidéos en live qu'on sort coup par coup, là, depuis quelques mois. Bon, le morceau, c'était Junkie Lies, qu'on vient d'entendre, qui figure sur le dernier album et que vous pourrez voir en live. Ouais. Mais on n'est pas là pour ça. Enfin, on est là pour ça aussi, mais on n'est pas que là pour ça, puisque ça va être la battle, la dernière de la saison, avant la reprise en septembre. C'est homonyme ou presque. J'ai un petit peu commencé avec Jack Lee, mais c'était bon, j'ai un peu tourné le truc pour rendre hommage à Jack Lee. Mais en tout cas, c'est toi qui démarres. C'est parti, c'est maintenant. Alors moi je vais taper très fort d'entrée, Manu. Même Manu, pas ça fait tellement de oui, alors, que je ronge mon frein. T'intéresses à la hauteur sur ce thème. Là je vais envoyer le combo, le multi-combo direct. C'est-à-dire je vais te mettre un but en retournée acrobatique. pleine lucarne à 30 secondes après le coup d'envoi. Ouais. Avec les Heartbreakers de Johnny Thunders. Ah, Johnny Thunders and the Heartbreakers. Ça va être une enfilade d'homonymes en fait pour te présenter cette chanson que j'aime beaucoup qui s'appelle I Wanna Be Loved qui rappelle évidemment le Poupoupidou de Marilyn Monroe. Oui. Mais c'est pas la même chanson, on est dans l'homonyme ou presque. Je sais pas si tu te souviens quand on était jeunes, surtout moi d'ailleurs, il y avait une chanson de Pink Floyd qui s'appelait Learning to Fly. Oui. Qui est pas la meilleure de Pink Floyd, mais bon, c'est celle qui passait à la télé quand moi j'avais une douzaine d'années. De Pink Floyd? Pink Floyd, Learning to Fly. Mais il y avait une autre chanson qui s'appelait Learning to Fly. Tom Petty and the Heartbreakers. And the Heartbreakers. Et pas Johnny Thunders. Et non pas Johnny Thunders. C'est là Kellos. Et c'est là qu'est là. Et là, c'est là Kellos. Et là, c'est là Kellos. Et donc ça c'était au début des années 90, hein, Learning to Fly, donc qui n'était pas la chanson de Pink Floyd que moi j'avais connue quelques années plus tôt, mais chanson de Tom Petty and the Heartbreakers qui n'était pas non plus la meilleure de Tom Petty and the Heartbreakers. Pas la meilleure, probablement pas la meilleure période de Tom Petty. Non. C'était la période pépère de Charentaise. Exactement, une chanson qui est honorable, hein, qui est plutôt une bonne chanson, oui. mais ça ronronnait quoi. Avec une production un peu Jeff Lynne quoi. Ouais. Voilà. C'était léché sur les murs comme on entend parfois. Enfin bon voilà. Et à peu près à la même époque ou pas longtemps plus tard, moi je voyais à la télé dans certains documentaires consacrés au rock Johnny Thunders and the Heartbreakers. Et ma grande question c'était est-ce que c'est les mêmes quoi. J'avais une espèce de conflit cérébral et cognitif où il y avait d'un côté ce rock très mainstream, ouais, voilà, ouais. Middle of the Road de Tom Petty and the Heartbreakers, et puis Johnny Thunders and Heartbreakers qui a envoyé une image très très rebelle, très agressive même, enfin un côté dangereux parce que les mecs ça rigolait pas. Alors Johnny Thunders and Heartbreakers, pour resituer, c'est un groupe qui est né un peu des cendres des New York Dolls, donc on est dans le New York des années 70. Le New York des camés, des plateformes boots, des ruelles sombres, Et des aiguilles dans les bras. Des aiguilles dans les bras, ouais. Et des surins qui sortent quand les... Dans le dos. Dans le dos. Voilà. Les Heartbreakers de Johnny Thunder, c'était un groupe phare de la scène new-yorkaise de la fin des années 70, hein. Bah, même époque que les Nerves, hein, 76-77. C'est un groupe qui était dans une forme de classicisme, les chansons simples, efficaces. On sentait une fascination pour les girls band, pour le rock des années 60. Les chansons au cordeau, 2 minutes 30, guerre plus, 3 accords, 4 accords, et puis ce son rugueux au possible. Et puis encore une fois, ouais, c'est des gars qui rigolent pas, quoi, avec Johnny Thunder, qui est espèce de personnage cultissime du rock, qui s'est enfermé dans son addiction à l'héroïne, quoi, voilà. Au départ, les Heartbreakers, c'était un peu the next big thing pour les maisons disques, qui avaient parié gros, en fait, sur le groupe, qu'on attendait vraiment quelque chose de fort. Alors, ils ont été tous les mauvais coups, quoi. C'est-à-dire qu'ils sont allés à Londres pour être dans la tournée Anarchy in the UK des Sex Pistols. La tournée qui a fait flop, au bout de 3 dates, tout a été annulé. Enfin bon, les Sex Pistols devaient beaucoup, d'ailleurs, aux Heartbreakers. C'était pas un copier-coller, mais s'inspirait énormément dans le son et dans la forme des Heartbreakers. Donc voilà, I Wanna Be Loved By You, c'est la chanson... qui m'a fait découvrir les Heartbreakers il y a très longtemps et qui a été une grosse référence pour moi, une grosse inspiration. Et donc, ce ne sont pas les mêmes. Ce ne sont pas les mêmes. Mais c'est ça le truc. C'est un homonyme. D'accord. Donc, qui a pompé sur qui? Qui est arrivé en premier? Je sais pas, finalement. C'est ça le truc. C'est un peu, contemporain. Je sais pas, les Heartbreakers de Tom Petty. Ah, c'est pas si jeune, hein? Ouais, peut-être un peu avant, je ne sais pas. Nous allons vérifier pendant le morceau. Johnny Funnel, la première mouture, c'est 75, hein, avec Richard L. d'ailleurs à la basse, qui était après dans Television, dans les Voidots. Et puis des Johnny, il y en a eu d'autres. Il y en a eu plein. C'est parti, homonyme ou presque, Johnny Thunder and the Heartbreakers, I Wanna Be Loved. I won't be C'était à l'instant Johnny Thunders and the Heartbreakers. Alors j'ai vérifié. Le Prums, c'est Tom Petty. Hein. Tom Petty. 1976 et les Heartbreakers arrivent en 77. Oui, mais non. Non. Je conteste cette version. C'est vrai. Moi, j'ai un live des Heartbreakers qui date de 76, monsieur. Ah. Ouais, avec encore Richard L à la basse. Ah, d'un coup, peut-être en même temps, alors. Bah, ouais. Et puisqu'on parlait de basse tout à l'heure sur le morceau de Jack Lee, c'était étonnant la basse de Peter Case à réécouter au casque. On aurait presque dit du New Order ou du Joy Division. Ça, c'était. Mais nous en reparlerons de New Order ce soir. On en reparlera de plein de trucs. Je suis avec Sylvain Trémaux qui nous accompagne ce soir pour une spéciale homonyme ou presque. Trémaux. Nous avons eu des trémaux. Quasiment homonyme de très beau. Oui, en homonymie parfait, il y a eu Patrick Trémaux. Patrick Trémaux qui était le violeur des parkings. Violeur en série. Hein, c'est vrai. Alors, bon, j'ai bossé un petit peu les fumiers. Ah, le sale gueule, le coup bas, c'est un coup bas. Donc, le violeur des parkings, c'est pas lui qui est là ce soir, bien heureusement. C'est mon frère jumeau. Ça peut lui, voilà, c'est ça. Ah, le salaud. Et donc, il y a une autre Trémaux. Trémaux, homonyme parfait, T-R-E-M-E-A-U. Ouais. Elle s'appelle Cine Trémaux. Ouais. Chanteuse. Alors, on se rend compte généralement quand on prépare ce genre d'émission que les homonymes sont souvent quand même un peu moins bons. je ne te cache pas que j'ai trouvé un Bourdier qui faisait vraiment de la daube. J'ai jamais entendu quelqu'un chanter aussi mal que ça. Donc, mais je l'ai invité, il est à côté. Il est là derrière la porte. Et bon, on va se passer le morceau de Cine Trémaux ce soir ça pour cette dernière. Cine Trémaux, donc chanteuse, actrice, compositrice de New York. Un peu qui compose un peu dans la douleur. Alors comment dire, c'est une sorte de c'est le morceau le plus audible que j'ai trouvé. C'est une sorte de country hyper mainstream mais un peu dépressif sur les bords. Elle est accompagnée d'un guitariste, ils font tout ça deux. Je me souviens plus le nom du monsieur, je l'avais noté, je l'ai plus. Le morceau qu'on va se passer maintenant, c'est on va le passer vite parce qu'il y a mieux après. Moi j'ai pas que des trucs bons hein ce soir, j'ai des homonymes. Donc Cine Trémaux comme monsieur Sylvain en face de moi, ça s'appelle Insecure Man. Vous allez découvrir, c'est magnifique. Alors peut-être un lien de parenté, cousinage, un peu, je sais pas. Voilà. Alors moi j'ai trouvé un Emmanuel Bourdier, parce que Manu, c'est Emmanuel Bourdier, un Emmanuel Bourdier qui est un bandit, mais vraiment grand bandit, recherché par toutes les polices de New York. Donc il y a des plaques, c'est placardé, recherche Emmanuel. Donc c'est pas moi, je vous le dis tout de suite. Voici Cine Trémaux, en direct dans The Rocks, avec le morceau Insecure Man, et peut-être une révélation pour Sylvain. C'est parti. Surtout, bon courage. Presque bien. Et bon, là, c'est un peu, voilà. Donc, je vous avoue que j'ai beaucoup de choses à vous faire écouter, Sylvain aussi. Donc, on va peut-être un peu charter parce qu'il y en a des biens qu'on va écouter en entier. Ah. Mais c'était Cine Trémaux. C'est pas pire, hein. Je m'attendais à bien pire. Non. C'est pas pire, par ce que tu décris. Il y en a des un peu plus compliqués. Je te le cache pas. Voilà. Bah, écoute, tu vas pouvoir parler sur Cine. Enfin, si je peux m'exprimer ainsi. Je t'en prie. Eh ben, qu'est-ce que je vais envoyer? Alors, si tu pouvais me laisser celui. Alors, attends, je te montre où on en est là. Celui qui commence par N. Ouais, si tu pouvais me laisser. Je te laisse. C'est gentil. Je te laisse. Parce que j'ai pas beaucoup de munitions là. On va parler de la même époque, c'est-à-dire du Swinging London. Ah oui. Avec un groupe qui s'appelait les Birds. Oui. Comme les Birds américains, mais sauf qu'à la place du Y, il y avait un I. Ah, incroyable. Incroyable, ouais. Alors, du coup, même question pour les Heartbreakers. Qui est venu en premier? Ah oui, c'est ça. c'est à peu près contemporain. Là, les Birds dont je vais parler, c'est un groupe qui a germé dans l'effervescence du rhythm and blues anglais, du swinging London. Mais qui sont meilleurs en orthographe. Qui sont meilleurs en orthographe que les Américains, que les Amerlocs, ouais. Oui, c'est ça. C'est un groupe qu'on peut apparenter à un mouvement qu'on appelle parfois le freak beat, c'est-à-dire une version un peu sauvage et délurée du rhythm and blues, quoi. Le freak beat. Ouais, freak beat. Tu connaissais pas ? Non. Bon, alors c'est un groupe qui est noyé dans la masse des groupes de l'époque, qui était un peu dans le sillage des Who, des Small Faces. On est plutôt dans une veine mods, quoi. Ouais. Voilà. Ça, je sens qu'on va l'écouter en entier. Oui, on va l'écouter en entier parce que c'est un bon morceau. Alors c'est un groupe qui s'est fait connaître notamment avec une reprise de Paul Naref, La poupée qui fait non. Ah, d'accord. Ouais, qui commence en français, c'est une poupée qui fait non, avec des paroles après en anglais. Et morceau sur lequel jouait Jimmy Page à l'origine. Sur le morceau de Paul Naref. Ah, peut-être bien. Oui. Il était partout. Il était partout. Mais ça se trouve qu'il a peut-être joué avec les Birds avec un i aussi. C'est pas complètement. Et peut-être avec Sean Tremo. Peut-être aussi avec Sean Tremo sur la fin. Ouais. Peut-être qu'il était dans le parking. Et alors, Patrick Tremo. Stop, monsieur. Non, dites pas plus. Allez-y. Et alors, les Birds avec un i seraient peut-être passés complètement aux oubliettes du rock s'il n'y avait pas eu dans leur rang des gars qui avaient fait un peu carrière après. Notamment le bassiste qui a joué dans un groupe intéressant qui s'appelait The Creation. Pas hyper connu, mais... Pas hyper connu, je te confirme. Qui avait pour particularité d'avoir un guitariste qui jouait avec un archer avant Jimmy Page. Et le guitariste des Birds, lui, a fait carrière aussi, puisqu'il a joué dans un petit groupe qui s'appelait le Jeff Beck Group. Ah, quand même, un oui. Un autre petit groupe qui s'appelait les Faces. Okay. Et encore un autre petit groupe qui s'appelle les Rolling Stones, encore. Ok, d'accord. Donc, il s'agit de Monsieur Renwood. Évidemment. Voilà. Donc, les Birds, très fréquentables musicalement. Alors, ils ont pas sorti des tonnes de trucs. C'est un groupe qui a sorti quelques singles, et puis il y a eu des compiles après, enregistrés. C'est pas le top du top, mais ça vaut le coup d'écouter 2-3 chansons qui sont chouettes. Je te remercie parce que je n'avais jamais entendu parler. Et ben voilà. Tu sairas ça, Sylvain. Tu le sais, ça. Je sais. Ça s'appelle The Birds avec No Good Without You Baby. Et, c'est maintenant et c'est homonyme ou presque. Un Y près. Un Y près. Ouais. There's one thing I've got to say. I'll be no good without you, baby. I'll be no good without you, baby. Well, I got money and I got fame, but if you leave me, it don't mean a thing. That's why I'm begging, baby, please don't go. That's why I'm trying, girl, to let you know. That's why I'm trying, babe, to make you see. oui, c'est bien. C'est pas mal. Ah oui, ouais. Le chanteur donc. Alors je connais pas lui. Lui, il a, je sais pas ce qu'il a fait après. Alors autant les chœurs derrière, bon, tu sens que c'est un peu la voix, elle envoie. La voix, oui, on dirait un peu les Animals, presque Eric Burdon, un peu de ça. Ouais. C'est ce qui est incroyable, c'est que c'est un groupe mineur, quoi, dans cette histoire-là. Mais même un groupe mineur pouvait sortir des trucs comme ça, quoi. Ouais, ouais. Bon morceau, belle découverte, merci. Ce soir dans On The Rocks, pour la dernière de la saison, c'est homonyme ou presque. Et ben là, ça va pas être ou presque, ça va être carrément homonyme, puisque, alors tu sais que je peux pas me faire une émission sans parler des Beatles ou de Lennon ou du petit frère de Ringo Starr. Eh bien, on va se passer là une petite, on va parler un peu de Lennon, une fois n'est pas coutume, avec quelqu'un qui s'appelait Freddie Lennon, qui a sorti un album, un single, qui s'appelait That's My Life. Ce morceau est sorti dans le milieu des années 60. C'est de la daube. On va l'écouter en entier, mais c'est vraiment de la daube. Mais ça a une histoire intéressante, puisque ce Freddie Lennon n'est autre que Alfred Lennon, qui était le père de John Lennon. C'est pas vrai. Qui a abandonné John Lennon à toute petite enfance, ouais. Qui est parti, qui est jamais revenu. Donc John Lennon a galéré avec ce manque de père. Et puis, au moment de la Beatlemania, alors que la Beatlemania a marqué vraiment ses plus beaux jours, eh bien, comme par hasard, Alfred est revenu en disant « Mon fils !» Il est allé frapper à la porte de Lennon en disant « Je te retrouve, tu es quand même extrêmement sympathique de m'accueillir ». Alors Lennon n'a pas voulu le recevoir tout seul, il l'a reçu en présence de son manager de l'époque qui s'appelait Brian Epstein. Je crois qu'il lui a filé assez de thunes pour s'acheter une baraque, mais il lui a dit « Je veux plus entendre parler de toi ». Et l'autre s'est dit « Quand même, c'est pas assez quand même, il y a peut-être plus à tirer que ça ». Et il a fait un disque. Lennon venait de sortir ce « In My Life ». Des Beatles, où il racontait un peu ses souvenirs d'enfance, bah lui, il a sorti ce morceau qui s'appelait That's My Life. Vous allez voir que c'est un très grand chanteur, hein, on sent le truc. Alors, en plus, il a le cynisme, parce qu'il était parti, abandonnant sa famille, et donc John Lennon enfant, pour parcourir les mers dans la marine marchande jusqu'en Nouvelle-Zélande. Et il commence le morceau That's My Life par un bruit de mer et de vagues, voilà, où il se raconte. C'est à la fois fascinant, c'est complètement naze, mais c'est complètement fascinant de voir à quel point il a essayé de tirer les marques. Alors ça n'a pas marché, hein. Ça a fait un flop assez considérable. La pochette du 45 tours vaut son pesant de cacahuètes. Elle ne s'est pas trouvé une meilleure photo, je pense, du monsieur. On va se passer donc ce morceau, That's My Life, qui est un document quand même, qui est assez triste. Quand même. Il est arrivé un peu la même chose avec Johnny Hallyday, je crois. Je crois que le père de Johnny Hallyday a refait surface tardivement, une tentative un peu douteuse. C'est pas le seul qui a fait ça. Je crois que le père de Dao, qui n'a jamais connu son père non plus, un jour était dans la salle et tout ça, et Dao n'a pas voulu le voir. Voilà, c'est un peu compliqué. Lui, il a carrément fait un disque qui ressemble au nom d'un morceau des Beatles. Enfin, vraiment, c'est de la pourriture jusqu'au bout. Ouais. Le père de Patrick Trémo aussi, je crois. Et puis, on a vu ce que ça donnait après. C'est vrai. Bon, moi, je n'y retourne pas. Et puis, on enchaînera parce que j'ai un peu squeezé tout à l'heure mon signe Trémo, donc j'ai un peu de temps. On va se passer à un autre chanteur qui s'appelle Ted Lennon. Alors lui, cette fois, rien à voir. C'est un chanteur folk californien. Pas facile quand même de faire carrière quand on s'appelle Lennon. Il n'est pas tout seul sur ce morceau puisque il y a Jack Johnson, le bien connu, qui vient de sortir un très beau, très très beau duo avec Ben Harper. Si tu peux écouter ce duo avec Ben Harper sur le dernier album de Ben Harper, on dirait un classique. Ça fait 25 ans que j'ai renoncé à écouter Ben Harper. Eh ben recommence parce que dernier album reprend les choses où il les a laissées à la sortie du deuxième album. C'est son plus bel album depuis 20 ans. Il est magnifique. On va se passer donc ces deux Lennon, le père de l'autre. Et quelqu'un qui n'a absolument rien à voir, mais voici Freddie Lennon avec That's My Life. Bon courage surtout. Pick up my story where I once left off. I sailed with the tides and lived on dreams. I've watched the sunrise over every ocean. That's my life, that's my love and my home. It started in Liverpool, where I was born. No father to advise me, but I carried on. First time I saw the sea, I just knew this had to be. It's my life, it's my love, and my home. I must tell you this, I was no heartbreaker, perhaps a dream maker. But as the years rolled by, I saw a lifetime of love go wrong. Pity was my partner all along. Yet listen to me, just let me tell you, now I've grown strong. Could be the end of my story, but my story will never end. As people have always told me, I've been a true friend, with little to give but a heart to lend. That's my life, that's my love and my home. I'll make no excuses for my own abuses. Life makes us all that way. I could blame the cruel sea for taking away from me. That's my life, that's my love and my home. That's my life, that's my love and my home. That was my life, my love and my home. Do you hear me? I'm talking to you. Across the water, across the deep blue ocean, under the open sky, oh my. And baby, I'm trying. Boy, I hear you in my dreams. I feel you whisper across the sea. Keep you with me in my heart. You make it easier when life gets hard. Lucky I'm in love with my best friend. Lucky to have been where I have been. Lucky to be coming home again. C'est pas la meilleure ce soir non plus. Mais même si je préférais pas le Freddy à Ted. C'est vrai, Freddy à Ted. Donc voilà, bah, c'était plein de Lennon, un vrai Lennon, ouais. Un faux Lennon, et il y en a d'autres, il y en a plein d'autres des Lennon. Ah, voilà. Mais comme je le disais, hein, les ersatz sont pas toujours les meilleurs. Non, pas toujours, d'accord. Mais ça peut arriver. Mais des fois, si, quand même. Alors, par exemple. Eh ben, je sais pas, au hasard, Ryan Adams, par exemple. Ah oui, Ryan Adams. Ça, on est d'accord. Ryan Adams, qui est arrivé au tout début des années 2000, si ouais, ma mémoire est bonne. C'est ça. Et la première fois que j'ai... Chez Fargo. Fargo, à la Belle Fargo. Chez Fargo Records, ouais. D'accord. Ouais, bah, ouais. Tu vois, je ne savais pas. Qui était un super label. Super label. D'Americana et de country un peu, ouais. C'est ça, ouais, ouais. Donc lui, il a débarqué dans cette veine, ouais, country, folk, rock, voilà. Une espèce d'authenticité en bandoulière. Avec un petit côté énervant de beau gosse à qui tout réussit. Oui. Voilà. Moi, je me souviens d'interviews à l'époque dans Rock and Folk où bah, il doutait un peu de rien. Il était un petit peu arrogant, mais bon. Bah, mais il avait les moyens de son arrogance. Il avait les moyens, il avait du talent, du succès, sa belle gueule de beau gosse. Bon, voilà. Un peu comme nous. Un peu comme nous, ouais, ouais. Après, sur ces disques, bon, j'ai quelques disques des débuts, là. Il y a des super choses. je m'ennuie parfois un peu en écoutant. Bah, faut dire qu'il a été très prolifique, donc dans le glow, il y en a forcément un peu moins bien, quoi. Mais... Et puis assez vite dans la discographie, je trouve qu'il y a un côté un peu boursouflé. Bon, il titille un peu la FM, donc. Enfin, je trouve qu'il y a quelque chose de. Ouais, ah, ça dépend des albums. Hein. Vraiment, il y a des albums qui gagnent à être connus. Des albums, il a fait un peu ses Nebraska à lui aussi. Il a des albums. Oui, j'ai assez... vu ça. Ouais, il a fait une adaptation de Nebraska et de Blood on the Tracks. Ouais, d'Oasis aussi, un album entier. Son dernier album, c'est entièrement des reprises d'Oasis, assez crépusculaire. Ouais. De Taylor Swift, il a repris un album entier Taylor Swift et l'album est pas mal du tout. D'accord. Donc ouais, non, c'est un grand bonhomme, je pense. Ouais, faut s'y pencher un peu, ouais. Ouais. Alors se pencher pas trop quand même parce que il a eu des petits soucis là récemment. Oui. Alors non lieu, mais excuse quand même. Ah oui. Excuse. Donc non lieu, mais je m'excuse quand même d'avoir parlé. C'est pas moi, mais pardon. Un peu trop près à la jeune fille, quoi. C'est ça. Ouais, c'est bon, ça. Hashtag #MeToo. Hashtag conversation. Balance ton médiateur. Douteuse avec une mineure. Bon. Voilà, c'est ça. Voilà. Bon. Voilà. Donc bah j'ai pris ce morceau To Be Young, exactement, magnifique, je crois que ça ouvre son premier album. Il y a une espèce de discussion de studio et ça démarre sur les chapeaux de roue à la manière de Dylan. C'est un petit peu un copier-coller du Dylan électrique, quoi, des débuts de la période électrique, quoi. Alors bien sûr homonyme ou presque. Puisque avec Bryan Adams, bien sûr. Pardon, j'ai éludé complètement l'épouvantable Bryan Adams. Mais c'était qui encombrait les ondes dans les années 90. Alors moi je n'ai été membre d'un fan club dans ma vie que d'un artiste de Bryan Adams. C'est pas vrai. Quand j'avais 13 ans. Et tu 12 ans. Ouais, bah oui, 12 ans. Sur les premiers albums de Bryan Adams, alors j'assume tout à fait. C'est jusqu'à l'album Into the Fire, il y a des très belles choses. Et pour l'avoir vu sur scène au Zénith en 88, c'était génial. Ah ouais. Vraiment rock'n'roll, etc. Ah ouais. Et puis, il y a eu le virage Robin des Bois. Ouais. Et là, je me suis dit, oulala, qu'est-ce qui se passe? Et il n'en est jamais vraiment revenu, à part un ou deux morceaux par-ci, par-là. Mais les premiers lives de Bryan Adams, c'était du vrai rock'n'roll, en fait. Ah c'était ouais. c'était vraiment tu vois, pas je suis mal. Mauvaise langue. Bah, moi, j'ai découvert Bryan Adams Robin des Bois, avec quoi, ses gros succès. Ça sirupeux. Et ça, et c'est les slow ex-lignon, quoi. Hyper lourd. Alors, bah, je te ferai écouter quelques morceaux. Alors, justement, on en reparlera de Bryan Adams. D'accord. Bon, on en reparlera quand même. Alors, petite anecdote. Un jour, Ryan Adams, donc, est monté sur scène. Ryan Adams, qu'on va écouter maintenant, dont tu nous parlais, est monté sur scène. Avec et Brian. Au bout de 3-4 morceaux, il y a un mec dans la salle qui a fait Summer of 69, qui est quand même un tube, un super tube d'ailleurs de Bryan Adams. Et Ryan Adams a posé sa guitare, s'est barré, n'est pas revenu. il était pas content. C'est bête, c'est faire des choses comme ça. Il était pas content. Ouais. Voilà. Donc, c'est Ryan Adams. Ça a un B près, c'est vrai que. Avec, j'en rajoute une petite couche sur les homonymes, tiré de donc premier album qui s'appelait, je te le donne en 1000. Qui s'appelait, en 2000, Heartbreaker. Heartbreaker. Ah oui, c'est vrai. Comme les Heartbreakers de Johnny Thunder. Ça fait peur, ça fait presque peur. Et comme la chanson des Rolling Stones et de Led Zeppelin, Heartbreaker. Ouais, ça fait peur. Homonyme, on est à fond dans le thème. Là. Et comme le t-shirt de Cine Trémo. Voilà. C'est parti, voici donc Ryan Adams avec To Be Young. 1, 2, 1, woo! Looking back, you were young. got sad. Ce soir dans The Rocks, le thème c'est homonyme ou presque. Tous les bons morceaux sont programmés par Sylvain Trémaux, ici présent, guitariste des fabuleux Sucker Fever. J'ai cherché Sucker Fever, pas beaucoup d'homonymes. Ah, non, c'est pas facile. Et puis les morceaux un peu pourris, c'est plutôt moi, mais je rentre très bien dans le thème. Alors je voulais alterner un peu morceaux sympas et morceaux un peu nazes, mais là, comme tu m'as lancé là-dessus, ça va être à nouveau un morceau un peu, voilà, un peu moyen. Puisqu'on parlait de Bryan Adams, c'est une reprise de Bryan Adams qu'on va entendre maintenant. Une reprise on d'un, est fort, quand d'un même, morceau. Sans se concerter. Sur le premier album de Bryan Adams, qui était un peu, alors le premier album de Bryan Adams, il est un peu étonnant quand on le réécoute, il y a une sorte de fraîcheur. Alors c'est très rock FM un peu de l'époque, mais plutôt frais, plutôt il y a un peu de 70s là-dedans. Il n'est pas désagréable cet album. Le deuxième est un peu moins bon. Et il y a ce morceau qui s'appelle Winsome Lusome, qui a été repris donc par une demoiselle qui a essayé de faire un petit peu carrière dans les années 80-90. Ça a pas bien marché. Son meilleur classement dans les charts, c'est un duo avec Don Henley, qui était un des membres des Eagles. À un moment, Don Henley faisait vraiment de la daube. Elle a fait aussi des duos avec James Ingram, donc tout ce côté rock FM américain insupportable des années 80. En gros, tout ce que, là, c'est un combo de, je pense, tout ce que tu détestes, je pense là. Donc, Don Henley, James Ingram, Bryan Adams. Et donc, cette demoiselle s'appelle Patti Smith. Comme Patti Smith. Sauf que tous les I sont des Y. Patty avec un Y et Smith avec un Y. Moi, j'ai prévu un petit spécial Smith après. Voilà, ouais, j'ai vu ça. Donc ça va pas être mal. On va se passer donc ce morceau de Patti Smith en live. Elle avait un groupe qui s'appelait Scandal. Alors on pouvait dire sur album, bon voilà, sur album de cette époque-là, généralement c'est un peu comme Bryan Adams sur album, bof. Mais quand on allait voir en concert, bah là, il y avait pas de synthé, il y avait pas de machin, il y avait que des guitares. Bryan Adams vraiment, c'était ça. Et donc Patti Smith et Scandal, là c'est sur scène. Donc on se dit voilà, ça va. Bah non, c'est pas tellement mieux. Ça s'appelle donc Winsome Lusome. Alors petite anecdote, cette dame a fait la une de tous les tabloïds, a été prise en photo partout, elle a été poursuivie par les paparazzi. Ça a été un peu l'enfer. Pourquoi ? Parce que au sommet de sa carrière, c'est devenue Madame John McEnroe au début des années 80. Et donc ils ont été pistés partout, absolument partout. Donc elle était plus connue pour être Madame John McEnroe que pour être cette chanteuse qu'on va entendre maintenant. Il n'est pas impossible qu'on charque le morceau avant la fin. Dès que tu n'en peux plus, tu me fais signe. Winsome Lusome, c'est Patti Smith, mais qu'avec que des Y partout. Le refrain. Winsome, Eh bien, merci Platine. Alors, comment massacrer un morceau? Écoutez l'original de Bryan Adams, qui est plus frais, qui est mieux. Ouais. Celui-là, il est vraiment... La voix est chouette, elle a une chouette oui. voix. Oui, alors ça joue derrière comme des... Comme, elle chante bien. Oui. Les musiciens sont bons, après, bah, bon tant pis, c'est gros tant pis, quoi. C'est ça. Ouais. Donc c'était Patti Smith avec des Y partout. Enchanté, Patti. Voilà, je charte. Sylvain Trémaux, donc pour les bons morceaux, c'est maintenant. C'est, alors celui-là, ça justifiait pour moi le thème, cette chanson, enfin ce groupe surtout, justifiait le thème homonyme ou presque, et là c'est pas ou presque, c'est homonyme tout court, avec, comment dire, si je te dis des Wailers. Bon, Bob Marley. Tu penses à quoi? Forcément, tu tout de suite, on pense à Bob Marley. Tu penses à une ambiance tropicale, jamaïcaine, et tout ça. Des bédous. Ah, oui, bon, bah, les Wailers de Bob Marley, le reggae, tout ça. Ah, bon. Oui. Mais avant les Wailers de Bob Marley, il y a eu les Wailers de Seattle. Donc, on est dans une ambiance beaucoup plus... un peu plus lourde, little bit louder. Little bit louder, un peu plus froide, un peu plus urbaine, un peu plus grisailleuse et embrumée. Puisque c'est la côte nord-ouest des États-Unis, le Seattle d'un petit groupe qui s'est appelé plus tard Nirvana aussi. Oui, on en recausera. On en recausera, bien sûr. Les Wailers, alors c'est un groupe de la fin des années 50. D'accord. Très précoce dans l'histoire du rock. C'est un groupe qui préfigure les Sonics, en fait. Les Sonics eux-mêmes de Seattle. Ouais. Groupe que tes auditeurs connaissent, puisque oui. Au générique de On The Rocks, le roulement de batterie, c'est ça, c'est les Sonics. Wow. Les Wailers, c'était dans cette veine de rock criard, mais dans le bon sens du terme, c'est-à-dire c'est l'école Little Richard, quoi. Ouais. Hurleur, voilà. Et tout dans le rouge. Tout dans le rouge. Tout dans le rouge. Un peu moins dans le rouge que les Sonics. Les Sonics, c'est tout dans le rouge. Les Sonics, c'est tout dans le rouge. Mais c'est quasiment le même répertoire que les Sonics. Il y a beaucoup de chansons en commun. C'est un groupe à saxophone, comme on disait. Alors dans cette chanson, je ne crois pas qu'il y ait de saxophone, mais il y avait un peu ça. C'est un groupe qui, comment dire, qui a profité aussi de l'invasion britannique. C'est-à-dire que c'est un groupe qui a enregistré au milieu des années 60, donc post Beatlemania en fait. Ça se ressent dans ce que ça donnait après sur disque. C'est un groupe qui anticipe un peu aussi les Birds avec un Y dans les harmonies vocales. Alors pas forcément dans ce morceau qui est très rhythm and blues, très rock and roll, mais il y a pas mal de chansons qui annoncent un peu les Birds, notamment par rapport aux harmonies vocales. Un côté pop, pas aussi éthéré que les Birds avec un Y. Mais très avant-gardiste quand même, mine de rien. Oublié, ils ont une belle carrière ou... Non. Alors c'est un groupe qui est connu par tous les amateurs de rock, garage, etc. Oui. C'est un groupe important hein, quand même dans ce courant-là. Mais qui a sombré au tournant des 60, voilà, quelques disques, c'est un groupe qui était connu dans l'État de Washington, peut-être un peu au-delà, mais comme il y en a eu des milliers, quoi, voilà, avec quand même quelques disques, ça vaut le coup, hein, ça vaut vraiment le coup d'écouter les voilà. Autant moi pour l'instant. Ça vaut pas trop le coup d'aller fouiller. Autant là, oui. Oui, ouais, il y a deux, trois disques à l'époque, et puis une point single. Ça vaut vraiment le coup. Si on s'intéresse aux Sonics, ça vaut le coup de remonter le filon et d'écouter les Wailers. Vraiment. Alors c'est parti, ça s'appelle A Little Bit Louder. On dirait un peu. C'est Shout, ça. A Little Bit Louder Now. Shout. Bah, c'est tu vas retrouver la touche du Paul McCartney qui reprenait Little Bit Louder. Ouais, ouais. Entre parenthèses, une très bonne émission sur France Inter en ce moment, Mishka Assayas, avec ses petites séries de l'été, là, fait la série toute l'été, c'est sur Paul McCartney, donc il y a des choses bien, bien amusantes à découvrir, comme quoi le deuxième tube des Rolling Stones était un morceau de McCartney. C'est intéressant. J'aurais dit le premier, moi, mais... Ouais, c'est ça, I Wanna Be Your Man. Ouais. C'est parti, The Wailers, A Little Bit Louder. Said to me, just a little bit louder. I know your name, just a little bit louder. Ça, c'est très très bien, ça. C'est pas dégueu, hein? Ah oui, c'est très très bien. Avec ce rythme de batterie très, très étrange. C'est de la drum and beat, quasiment. Drum and beat, ça. C'était les Wailers, pas les Wailers, mais les Wailers. Les Wailers, tout à fait. Avec A Little Bit Louder ce soir pour la dernière de la saison dans On The Rock. C'est spécial, homonyme ou presque. Et ben là, ça va être un homonyme parfait. On l'avait visé tous les deux, celui-là. On n'a pas beaucoup de points communs ce soir. Par exemple, t'avais pas mis Patti Smith. Non. Et donc, celui-là, on l'avait visé tous les deux. C'est un groupe que moi j'ai découvert il y a, alors je raconte un peu ma vie, mais il y a, on va dire, 30 ans, quand j'étais allé en vacances en Crète et ouais. J'avais vu dans un bac un album marqué Nirvana en gros dessus et je m'étais dit, waouh, Nirvana, alors 30 ans non, parce que Nirvana existait déjà, je me souviens, donc pas 30 ans. Plus. Bah ouais, enfin bon, bref. Nirvana existait déjà, le groupe évidemment de Seattle, Kurt Cobain, le grunge, le suicide, je vous passe toute l'histoire, vous la connaissez par cœur. Et j'avais vu ce groupe Nirvana, et pour cause, puisque un des deux membres fondateurs de ce groupe, qui est un groupe anglais, lui, psychédélique, ouais. Qui a commencé en 1967 et qui a sorti quand même une dizaine d'albums, était grec. Ouais. Un duo, donc, il y a des musiciens de studio, des gars qui sont fait virer, des requins, mais bon, un groupe grec, moitié grec, moitié anglo-saxon, et donc ils ont sorti des albums, alors c'est, ils ont sorti un des tout premiers albums concept de l'histoire, ouais. De l'histoire du rock, et on va se passer un extrait de ce premier, du premier album de ce groupe, donc qui s'appelle Nirvana, comme Nirvana, complètement tombé dans l'oubli, bah oui. Moi j'ai un CD chez moi donc depuis 25 ans mais j'en ai qu'un et l'album est vraiment pas mal. On va se passer un extrait du premier album qui avait été produit je crois par Chris Blackwell, ouais. Fondateur de Island Records, et au départ c'était plutôt reggae, Chris Blackwell et puis Blanc, hein, et qui a produit pas mal de très très belles choses, premier album de Melissa Etheridge d'ailleurs qui était un très bon album. Et donc, eh bien voilà, et, ils ont fait toute une carrière et la boucle a été bouclée puisque sur leur dernier album, ils ont repris le Lithium de Nirvana. Ouais. J'ai pas entendu ce morceau. Par contre, on va se passer le morceau qui s'appelle Lonely Boy. Ah, c'est pas celui que j'avais choisi, mais. Ah, t'as choisi bien. Quoi, toi? Oh, je sais plus, que je trouvais rigolo, qui donnait pas envie de se suicider, celui-là. Ah ouais. Bon, nous, on va se flinguer, peut-être. Non, non. On va voir. Et alors, toi qui aimes le théâtre, savais-tu que la partie grecque, le chanteur grec, avait monté une pièce de théâtre? Ouais. Hein? J'ai vu ça dans Wikipédia. Je me suis documenté un petit peu. Ouais. Joué par les élèves du lycée français d'Athènes ou je ne sais où, hein, pour retracer l'histoire du groupe Nirvana. C'est ça. Ça a eu une répercussion mondiale. Allez jeter une oreille là-dessus. Il y a vraiment des choses bien. Ce Lonely Boy, il y a un bon son. Alors c'est psychédélique 1967. Ouais, voilà. Typique. Mais ils le font vraiment très bien. Et là, celui-là, on va l'écouter jusqu'au bout. Je le dis. 2 minutes 31, mais c'est vraiment pas mal. Voici Nirvana, les autres avec Lonely Boy. Lonely boy, your shadow is so sad, and your empty eyes like two sunsets upon the sky. If I talk about you, I do not dislike you. All I want to do is cry. want to do is cry. Lonely face, your words are wrapped in pain, and you walk the streets to find a place to spend tonight. Should I welcome you or should I disregard you? All I try to do is just in vain. Très fréquentable. Oui, oui, c'est frais. C'est frais, c'est bien. C'est frais, ça s'appelle c'est Nirvana bien. Et c'est un peu moins grunge. Ouais. L'émission un peu mieux finie. Dans l'oubli, mais en meilleure santé. Ouais. Mais ils ont dû faire un peu la tronche au début quand ils ont vu Nirvana oui. arriver. Puis finalement, ils se sont dit, bah, c'est l'occasion ou jamais que des gens se trompent, bah ouais. achètent un CD par erreur. Ouais. Voici donc la suite de cette émission. Il nous reste une petite demi-heure sur les morceaux homonymes ou presque, ou artistes homonymes ou presque. Et c'est Sylvain Primo qui a la parole. Eh bien, nous allons continuer avec la famille Berry. Berry, Chuck Berry, Berry Gordy Jr., les épouvantables Cranberries et Richard Berry. Richard Berry. Richard Berry. Oui. Dont on... Pas l'acteur. Alors, l'acteur Richard Berry, on se souvient des publicités pour le yaourt et quand même deux ou trois autres films. Et mais Richard Berry, chanteur de rhythm and blues des années 50, qui a eu la bonne idée de composer quelques chansons, dont une qui s'appelle Louis Louis. Oui. Petite chanson. Un petit accords, hymne. Voilà, qu'il a chanté avec son groupe de l'époque, une version un petit peu chaloupée sur un rythme de calypso. Donc oui, un peu moins rentre dans le chou que toutes les autres versions ultérieures. Ouais, c'est pas du reggae, mais on est sur quelque chose d'un peu jamaïcain quand même. C'est un gars qui a fait quand même une poignée de bonnes chansons. C'est lui qui a composé Have Love, Will Travel, ouais, joué par les Sonics dont on parlait tout à l'heure. Voilà, qui est un morceau imparable. Ouais. Et morceau dont il a cédé les droits pour payer son mariage. Have Love, Will Travel. Alors une poignée de chansons dont d'accord. Louis Louis. Ah, il avait besoin d'un peu d'argent pour payer le banquet. Ça fait cher le petit fou. Et manque de bol, quelques années après, la chanson était reprise par un groupe qui s'appelait les Kingsmen. Et puis après, tout le monde a repris cette chanson. Absolument tout le monde a joué Louis Louis. Et il aurait pu se marier 20 fois. Voilà. Donc soit Louis Louis tel quel, ou soit des chansons dérivées là sur ces trois accords. Qui sont devenus incontournables. C'est devenu un modèle de chanson, en Waltzing, fait. Waltzing, c'est pas très Waltzing, éloigné. Waltzing, c'est ça. Get Out of My Cloud, des Rolling Stones. Enfin, il y en a plein. Quelques morceaux des Sacoï Fever. Tout à fait, absolument. Ouais. La Mano Negra, il y a une chanson aussi qui reprenait ça. Enfin, c'est devenu... Le riff. Un maître étalon de la chanson simple et efficace sur trois accords, quoi. Ouais. Il a quand même récupéré les droits des années après, et là il s'est fait quelques millions de dollars. On peut récupérer les droits. Il a mis un avocat en action en justice, et voilà, il a pu quand même gagner de l'argent avec. Alors la version des Kingsmen, qui était la celle à partir de laquelle le feu a pris, était était soupçonné de d'un propos obscène parce que le chanteur marmonnait et donc les quelques radios étaient réticentes à passer le disque, croyaient qu'il y avait Anguille Souroche ici, marmonne, c'est qu'il y a un truc pas clair. En fait, c'est qu'à l'époque, il n'y avait pas Internet pour choper les paroles, donc il n'avait pas bien compris toutes les paroles. À tel point que le FBI, j'ai vu ça en préparant, le FBI a lancé une enquête pour savoir si effectivement il n'y avait pas un propos douteux. Bah, c'était 63, donc c'est une époque très puritaine. Quoi. Ouais. Voilà. Ah, c'est drôle. Ça. Voilà. Donc Richard Berry, Louis Louis. Voilà, vous allez reconnaître. Alors vous dites, je ne connais pas le morceau, mais si. Si, si, si. Forcément, puisque ça commence comme ça. Richard Berry, non pas le beau-frère de Josiane Balasco, mais le créateur de Louis Louis. Ils ont bien eu raison, les Kingsmen, de remplacer le mec qui faisait ta-ta-ta par autre chose. Ah, c'est une autre époque. C'est une autre époque. Et en écoutant, ça m'a fait penser que la chanson, elle est inspirée d'une chanson d'un autre Berry, du coup, de Chuck Berry, Havana Moon, qui est une chanson qui dénote un peu dans le répertoire de Chuck Berry, qui est une magnifique chanson, avec ce langage un peu petit nègre, comme on dit, inspiré des îles jamaïcaines. Mais tout ça, c'est Richard. Une grande marmite, quoi. Ben, oui. Chacun se sert. Ouais. Alors, je vais sauter Robert. On va voir si on y revient, Robert. Je saute Robert. Alors là, c'est de l'homonyme, le suivant, c'est de l'homonyme à tous les étages, puisque ce monsieur s'appelle Nick Rivers. On est quand même pas très loin de Dick. Un gars qui, voilà, là c'est le thème. Là, t'es dans le thème. Là, je suis là, bien, c'est là. Bien. Là, on est bon, là. Hein. C'est un, donc, Nick Rivers, donc, alors, il a dit, moi, je vais pas m'appeler Dick. Il y a que Dick qui sait pas qu'il y en a qu'un qui pouvait s'appeler Dick. Donc, Nick Rivers, est-ce que c'est un hasard? Est-ce que c'est son vrai nom? J'ai fait des recherches, j'ai pas trouvé. Il vient du Midwest, lui. Alors, il se présente comme un fan. Il dit, si vous êtes fan des Beatles, de Dylan, des Lumineers, de Greta Van Fleet, eh ben, vous serez fan de moi. Ouais. Donc, bon. Pourquoi pas. Et donc, Nick Rivers, c'est quand même le nom d'un personnage extraordinaire, peut-être le héros d'un des films les plus drôles que j'espère que tu as vu, qui s'appelle Top Secret. Ah là là, mais faut que tu vois Top Secret. Alors, extraordinaire. Donc, Top Secret, c'est un film de tous les réalisateurs qui s'appelaient les Zaz. Ils avaient réalisé Y a-t-il un pilote dans l'avion? Y a-t-il enfin un pilote dans l'avion? Y a-t-il toujours un pilote dans l'avion? Et leur chef-d'œuvre, après Un pilote dans l'avion, ça a été Top Secret. Et ça se passe, ils envoient un chanteur qui est, en gros, Elvis Presley, mais c'est Val Kilmer, donc il est blond. Et qui chante des chansons à la Elvis en caricaturant tout ce monde du rock'n'roll en Allemagne de l'Est où ils sont tous restés nazis. Il y a un gars crétin toutes les 18 secondes, mais c'est absolument hilarant. Et il y a des morceaux musicaux assez géniaux, je te conseille vraiment. Nick Rivers, donc c'est le nom de, qui est devenu culte, c'est le nom du personnage du film. D'accord. Donc on est vraiment sur deux là, on est sur le homonyme parfait de Nick Rivers, le personnage, et de Dick Rivers. Et puis comme cette émission est vraiment parfaite, on va se passer une petite reprise. Donc c'est Nick Rivers qui chante une reprise de I've Just Seen a Face, c'est la fin de la journée, des Beatles. Morceau où ils avaient réglé leur compte à Simon et Garfunkel en un morceau, hop et on passe au suivant comme ils l'avaient fait avec les Beach Boys avec quelques morceaux comme Back in the USSR. Et bien voici cette version. Alors c'est une version un peu plus pêchue, un peu plus voilà, mais il a l'air content de la reprendre, donc on est content pour lui. Voici Nick Rivers et puis quand même va voir Top Secret, ça c'est ma prescription. C'est parti. I've just seen a face, I can't forget the time and place where we just met. She's just the girl for me, and I want all the world to see we've met. Had it been another day, I might have looked the other way. And I have never been aware, but as it is, I'll dream of her at night. Falling, yes, I am falling, and she keeps calling me back again. I have never known the like of this, I've been alone, and I have missed things and kept out of sight, but other girls were never quite like this. C'était l'I Just Seen a Face de Paul McCartney, donc des Beatles époque Help, repris façon un peu plus pêchue mais sympathique par ce Nick Rivers, homonyme ou presque, ce soir dans The Rocks encore pour un gros quart d'heure. C'est à toi. Eh bien, comme t'as envoyé un truc qui qu'envoie la purée, je vais pouvoir me permettre d'envoyer quelque chose de plus tranquille. Oui. Du coup, avec un méga combo là aussi. Alors là, on parlait des Nerves tout à l'heure. Donc l'axe Nerves Plimsoll. Avant les Nerves, il y avait des mêmes gens, un groupe qui s'appelait The Breakaways. Que tu as déjà passé dans l'émission. J'ai déjà passé une super chanson qui s'appelle Walking Out on Love, qui est extraordinaire, de ces Breakaways qui étaient en fait les Nerves. Ouais. Et ben avant ces Breakaways là, il y avait d'autres Breakaways qui n'étaient pas les mêmes, rien, mais qui s'appelaient aussi les Breakaways, qui étaient un groupe de chanteuses, enfin des choristes en fait, c'est des choristes. Qui chantait notamment sur les titres de Burt Bacharach. Ah oui. Hein, grand, oui, là, fallait grand y aller, orfèvre là. De la chanson des années 70 aux États-Unis. Burt Bacharach avait fait un disque où il reprenait ses chansons à lui, mais qui avaient été interprétées par d'autres, notamment celle-ci, qui à la base avait été écrite pour Dionne Warwick, qui est une de ses grandes. Pouliche ouais. De son écurie. Et la chanson s'appelle Don't Go Breaking My Heart. Un peu comme celle de Kikidi. Kikidi et Elton. Hein et mais c'est pas la même chanson. C'est pas la même. C'est une chanson assez connue d'ailleurs, parce que la version de Dionne Warwick, tu l'as déjà dû l'entendre à droite ou à gauche. Mais voilà, interprété par The Breakaways, donc homonyme des Breakaways des Nerves et homonyme pour la chanson Don't Go Breaking My Heart. Ah ouais, non là. T'as vu un peu un respect là. Plam. Ah ouais, deux. Ouais. Deux points. Combo. C'est double parti. Combo. C'est parti. Breakaways, don't go breaking my heart. C'est pas qui dit, c'est quelqu'un d'autre. C'est quelqu'un d'autre. Don't voilà, la croisière s'amuse. Love Boat. John Warwick. John Warwick, c'était pas la tante de Whitney Houston? Ah, je sais pas. Je crois. Je sais pas. Je suis peut-être en train de dire une bêtise, je crois. C'était donc les Breakaways, et effectivement, ça ressemblait pas aux nerfs, ce qu'on s'est passé au début de... Ni à Kiki. Ni à Kiki. Ce soir, l'émission, c'est homonyme ou presque. Alors, vous avez bien compris que Sylvain Trémaux, qui est présent face à moi, n'a rien à voir avec Patrick Trémaux, le violeur en série, le violeur des parkings. Là, si vous êtes dans la voiture et que vous n'êtes pas très attentif, on va dire, oh, t'as entendu, il a dit que Sylvain Trémaux, le mec des Socuffeurs, c'était le violeur des parkings. Hop, oh, et là, c'est en train de se diffuser. Et j'aurais réussi mon coup. Sylvain Trémaux s'appelle Sylvain Trémaux sur les 10 des Socuffeurs. Il y a marqué Sylvain Trémaux. Bah oui. Composition, arrangement, si tout veux. Ça. Ouais. Mais tu as un surnom. Oui. Et ton surnom est Prez. Prez, comme le président. Ouais. P-R-E-Z. Oui. Eh bien, j'ai trouvé un artiste qui s'appelle Prez, P-R-E-Z. Et là, j'étais pas mécontent, forcément, puisque en plus le morceau est bon, donc ça ne gâche rien. Je ne connaissais pas Prez, mais c'est un artiste qui nous vient de Brooklyn, qui a des influences qui vont de, j'écoutais, c'est des trucs vraiment pas mal, qui vont de Sly and the Family Stones à Lenny Kravitz. Tu connaissais pas le Prez, l'autre Prez? Non, pas du tout. On n'a pas été présenté. Des Beatles, Stevie Wonder, tout ça. Il a collaboré avec B.B. King. B.B. King lui a demandé de produire un de ses titres, tout ça. Alors, le morceau qu'on va entendre, c'est pas du B.B. King, ça ressemble pas vraiment, mais vous allez voir, c'est assez sympathique. Ça s'appelle I Got a Job, donc c'est Prez avec I Got a Job, et c'est un homonyme parfait de ton magnifique. De ton surnom. Bien joué, ça, bien joué quand même, bravo, merci. Charter encore un petit peu parce que l'heure tourne et il y a la rédaction du sport derrière. J'aimerais bien finir par un morceau après le tien. Donc voilà, ça va être ton dernier morceau, Sylvain. Bon, alors j'élague ce que j'avais dans ma besace. J'avais, juste pour citer quand même, j'avais un morceau des Pixies Free. Ah oui, alors un ça, girls c'est band. Étonnant ça. Ouais, oui. Girls band, comme tous les girls band, un peu ouin ouin sur les bords, mais sympathique. Avec une chanson qui s'appelait Birthday Party, comme le groupe de Nick Cave. Double ouais, combo. Double encore. Combo encore. Ligne. Ouais, j'avais une chanson d'un groupe qui est très très bon, qui s'appelle The Music Machine, pareil dans la veine garage, voilà, une chanson qui s'appelle Smoke on the Water. Ah oui. C'est presque comme Smoke on the Water. Oui, presque. Voilà, c'était juste pour parler de ce groupe qu'il faut vraiment connaître, découvrir si vous connaissez pas. D'accord, je ne connais pas. Et du coup, comme il me reste une cartouche, je vais tirer violemment dessus avec The New Order. Alors oui, mais alors pas les mêmes. Mais pas les mêmes. Et les Smiths, c'était les mêmes? Les Smiths, c'était une petite blagounette prendre tous les Smiths, Patti Smith, Robert Smith, Fred Smith, tout le monde, on prend tous les Smiths, et puis il y a un groupe qui s'appelait les Smiths, c'était le groupe de Manchester. D'accord, de donc c'était bien eux. C'était bien eux. Ouais. Mais les New Order, non. Alors New Order, non. Incroyable, non. Incroyable. New Order, c'est un groupe, peut-on parler de super groupe? J'irai pas jusque là. C'est un groupe qui est né de la mort de deux groupes extraordinaires, à savoir The MC5 et The Stooges. C'est-à-dire que c'est le groupe de Ron Ashton, guitariste Feu Ron Ashton, guitariste des Stooges, qui a fait un groupe avec Dennis Thompson, qui était le batteur de MC5, avec deux ou trois autres gars comme eux. Donc c'est Pas beaucoup de Kumba ou de Slow Braguet. Non. On est dans la veine, c'est le cas de le dire, du rock de toxico, quoi. Mmh. De loser, héroïnomane, qui, voilà, t'imagines la tournée. Un peu glauque, ouais. Avec un disque qui n'a pas marqué les esprits et qui n'a pas marqué l'histoire non plus, qui n'est pas extraordinaire. Mais j'ai trouvé cette chanson qui est enregistrée pendant une répète, apparemment. Et le petit intérêt de cette chanson, ça s'appelle Sex Drive, qui est aussi le titre d'une chanson des Rolling Stones, pas la mieux non plus des Rolling Stones, tout à fait anecdotique, et même mauvaise chanson, on peut le dire, d'accord, qui était casée en fin d'un live qui est mauvais aussi, qui s'appelait, avec une flamme là, Flashpoint. Oui, Flashpoint. Flashpoint, voilà. Donc voilà, The New Order, c'est pas le groupe de Manchester, c'est pas beaucoup moins glauque. Un peu plus nerveux, enfin voilà, on est dans du rock'n'roll. Ça tâche un peu les cymbales sur la fin ou dans le milieu, c'est du roots, mais le morceau est pas mal, le morceau envoie. Ouais. Bon, alors c'est parti, New Order, voilà, c'est maintenant avec un peu moins de cheveux peroxydés, du beau teint. Sex Drive! Moi le preneur de son dans mon bureau. Ah, c'est répète. Hein. C'est un peu répète. Ouais. C'était donc à l'instant The New Order avec Sex Drive et l'émission est bientôt terminée et cette 30e année dans The Rocks est bientôt terminée également. Et bien on va finir avec un groupe qui s'appelle The Suckles et ça ressemble à ça me dit quelque presque chose. homonyme ou presque de Sockeye Fever et Beatles, ouais. Qui jusqu'ici, je crois, n'ont livré qu'un seul morceau. Bah ouais, c'est ça, c'est explosion spontanée. Et voilà, avec combustion spontanée du batteur. Enregistré en répète aussi. Enregistré en répète, alors vous allez voir que c'est pas le même son. C'est pas le même son et ça c'était un très très beau cadeau. Et alors évidemment, les Suckles, vous aviez suivi, si vous aviez écouté On The Rock cette année, on se l'est déjà diffusé trois fois je crois. Ce morceau, c'était votre cadeau pour les 30 ans de l'émission. Merci les Suckeye Fever et j'en profite pour te remercier toi et tu passeras le message au reste du groupe de m'accompagner joyeusement et de nourrir mon émission depuis 25 ans. C'est vous qui te remercions de diffuser. Bah voilà, on est content en fait. Tout le monde est content et ouais. Ça m'a fait vraiment plaisir de vous accompagner toutes ces années. C'est pas fini puisque je rempile l'année prochaine. Et on va se terminer là-dessus. Donc c'était la fin de cette 30e saison d'On The Rocks. Et je voulais finir par ce morceau quand même parce qu'il est homonyme ou presque. Ça rentrait dedans. Donc votre reprise de ce petit Beatles, très très très très bien. Et j'ai eu des retours très positifs sur ce morceau. Donc bravo encore, messieurs. Et bien, bonnes vacances à tout le monde. Merci Sylvain d'avoir été là encore pour cette dernière de la 30e. Ça me fait plaisir d'avoir fait la dernière de la 30e avec toi. Ouais, ben... c'est cohérent. Et, puis, et c'était pas si terrible ce thème homonyme. Non, là. C'était même trop court. Un fromage là, alors, depuis moi, des années. Moi j'ai sauté. Alors j'avais Robert Smith Hald, un mec qui a fait plus de 100 morceaux. Pas mal, un peu folk, plutôt sympa, mais alors pas un qui a été diffusé nulle part, et bon, un peu un Robert Smith. J'avais qui ? J'avais Frank Turner, bah, il y a plein des Turner, de Tina Turner, il y en a quand même pas mal. Donc j'en avais quelques-uns comme ça. Mais bon, Prez et Signe Trémouge, et voilà, c'est autre chose. The Suckles, donc, avec 30 Years Ago Today, c'est le monsieur en face de moi, qui est assis en face de moi, qui a créé cette chose. Et merci encore, rendez-vous en septembre pour entamer la 31e saison, ça fait un peu peur, la 31e saison d'On The Rocks, et puis aller voir les Suckles Fever en concert et écouter leur album New Face qui est vraiment extraordinairement sympathique. Merci. Bonnes vacances Sylvain. À toi aussi. Allez, rendez-vous en septembre. Século passado e que foram contestados por alguma sociedade portuguesa, pela forma como eles se vestiam. Enfim, algumas pessoas pensavam que eles queriam fazer renascer o neofascismo, mas não era exatamente isso. Eles ficaram durante algum tempo na música, como grupo, e mais tarde alguns continuaram a carreira solo. Heróis do Mar. E só no mar.